Et les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent : Si vous suivez Shu'aïb, vous serez assurément perdants.